C'est pour moi? 2. Bon anniversaire, Jean-Noël. 3. Tiens, c'est pour toi. 4. Il ne fallait pas, c'est trop. 5. Tu peux le changer si tu l'as déjà. 6. C'est magnifique. 7. C'est pas grand-chose, juste un petit souvenir. 8. J'ai un petit cadeau pour vous. 9. Qu'est-ce que c'est? 10. Je peux l'ouvrir ?